Chapitre 6e. Transport de viande. Le charton à bras que Corentin et Anicet possédaient en commun était constitué d'un long plateau assez étroit, posé sur de grandes roues et muni de deux bras à une extrémité. De chaque côté du plateau, Corentin avait posé deux ridelles basses qui permettaient de passer les cordes pour arrimer les objets transportés. Le plateau était amovible et se fixait au châssis par des clavettes. Anicet positionna le charton le plus près possible de l'entrée de l'atelier. Pendant que Manon faisait le guet, les deux hommes installèrent le corps de Larieux et le recouvrirent aussitôt d'un drap pour le cacher des regards d'un éventuel curieux. Puis ils se rendirent à la cave voisine et en ramenèrent un rat d'acier qui attendait d'être vendu. Ils le posèrent sur le corps de Larieux et arrimèrent le divan avec de solides cordes. Ils recouvrirent le tout du même drap et Corentin s'assura par en dessous que le corps pourrait passer facilement entre les pieds du rat d'acier. « C'est bon, » dit-il d'une voix un peu étranglée par l'inquiétude. « Nous pouvons y aller. »« Moi, je pousse, » dit Anicet, « et toi, chemine à côté pour veiller au grain. Prends un bon bâton, on ne sait jamais. » La nuit était maintenant très noire. Il était 6h30. Un brouillard gras et glacé recouvrait la ville, plaquant au sol les odeurs nauséabondes du quartier. « Ne va pas trop vite pour ne pas faire tressauter le corps, » recommanda Corentin qui s'était muni d'une lanterne. Ils descendirent la rue du Griffon pour déboucher dans la rue Saint-Laurent, puis bifurquèrent tout de suite à droite dans la rue Neuve, choisissant le chemin le plus court. Ils croisèrent une femme marchant vite et tirant un enfant par la main, tous deux visiblement transis de froid. « Il y en a qui ont du courage, » s'écria la femme, « à une heure pareille. »« Ah, chez nous, » répondit Corentin d'un ton bon enfant malgré son anxiété. « On ne fait pas attendre le client. Chose promise, chose due. »« Mais allez, » marmonna Anicet entre ses dents, « avance, nom de Dieu. » Parvenu derrière les ruines du palais comtal, Corentin éteignit sa lanterne pour mieux discerner les allées et venues éventuelles. Dans cette partie basse, le brouillard s'était épaissi et on ne distinguait que très vaguement ici et là deux vagues et rares silhouettes, se détachant sur le fond blanc sale des lueurs diffuses des lanternes. Ils arrivèrent dans un endroit plongé dans une totale obscurité. Corentin retint le charton et se rapprocha d'Anicet. « Là, ce sera très bien, » dit-il, « personne ne peut nous voir. » « Mais nous ne voyons rien non plus, » objectait Anicet. « Pas besoin d'y voir. Je vais tirer le mort par les pieds, incline le plateau et recule doucement. » La manœuvre se déroula parfaitement et Corentin sentit le corps qui peu à peu s'étendait sur le sol. Lorsque Larieux fut allongé, Corentin releva le plateau pour signifier à Anicet que la chose était faite. Il retourna Larieux sur le ventre et à tâtons, il trouva sa tête. Il sortit alors de son gilet une petite fiole dont il répandit le contenu sur le crâne du mort, au jugé. « Allez, viens, » dit-il enfin à Anicet, « ne fais pas de bruit. » Anicet tourna le charton avec précaution, et les deux compères repartirent en sens inverse. Parvenus au bas de la rue Neuve, Corentin ralluma sa lanterne et empoigna un des brancards pour être à la hauteur d'Anicet. « Au jour, on verra bien qu'il a été transporté, qu'il n'est pas mort là, » affirma Anicet. « Que nenni, compère ! On trouvera sa face baignant dans le sang de sa blessure, le père Corentin a plus d'un tour dans son sac. » Il expliqua alors à son ami son stratagème. Il avait versé sur le crâne de Larieux le sang d'un poulet que Manon avait égorgé précédemment. « Miladio s'est futé, citoyen, » approuva Anicet.